reposer, tranquille qu'à méditer. Si si tout ça y passait, ouais, ça t'est pour arriver. Y'a des gens où y est, ou bien bien affecté. En l'autre, l'eau qu'a coulé en zier, ou qu'a bien regretté. Mais pas flippant, que ça relevé. Mais pas flippant, que ça ôté. Toute souffrance et tristesse, ou fais moins, baby, baby. Ouais, ouais, tout ça finit. On t'y rendez-vous, pas ténitant. On t'y resto, pas ténitant. Passez bon temps, pas ténitant. Souvine, check moi encore, regrette au bon vent. C'était pour la vie, vous et moi, baby, ça m'a été envie. On story qui a pas vite fini. Mais je dis finalement tant pis. Le ou parti, un sentiment blessé. T'es qu'à penser qui en t'es qu'à rêver. T'es qu'à songer, j'en nous dessoudé. Main dans la main, à des nous t'es qu'à avancer. Au chapeau net, ni connu, on le fioté. Maman des pardons, un pas donné. Un sentiment étrange.